seule cette photo sans les mots. C'était intérieur, j'étais ailleurs. Cacher son visage bruni, décoré par son épaisse moustache grise. Un son grave et chaud dans une langue qu'on ne parle ici. L'homme lançait ses appels. Tricycle orange qui poussait d'une pédale franche. Il offrait un éventail de pâtisseries. Aux couleurs étranges, mais que la moindre tranche sortir quiconque de ses rêveries.